Je salue tous les frères et sœurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na salimia bandugu na badada bote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Je salue encore tous les frères qui sont connectés aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na salimia tena bandugu bote boko internet bunji internet sikwa leo mjina la Yesu Kristo. Je remercie encore une fois le pasteur pour m'avoir accordé la chair. Mara ingine na pitia asante pasteur kwa kunipa mimbari. Je pense qu'aujourd'hui je vais mettre fin. Azani leo taweka mwisho. Et je demande au saint si vous pouvez accepter à ce que j'amène vos salutations partout où je passerai. Nalomba kwa watakatifu kama unaweza kuitikia nipeleke masalamu zenu mahali yote tapita. Et nous nous mettons debout pour la lecture de la parole. Na tukuna simama njoo kusoma neno la Mungu. Nous lirons comme texte dans Luc chapitre 15, tasoma andiko ya Luka 15 depuis le verset 11. Tangia mstari ya 11. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dispatcha son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service dans des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apporte vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un manteau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Nous prions. Seigneur notre Dieu, Maître de l'univers, je te remercie une fois encore, puisque tu nous as gardé en vie aujourd'hui. Nous t'avons loué. Et maintenant, nous venons de faire cette longue lecture. Ô Seigneur, il t'appartient à l'interpréter à quiconque que tu voudras. Alors que moi je parlerai à leurs oreilles, mais que toi, par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses leur parler dans leurs âmes. Je me recommande entièrement entre tes mains, espérant que tu mettras quelque chose dans ma bouche et que je me mette à la répéter devant ton peuple. Je t'attends au Seigneur. viens parler à ton peuple, car je le demande avec foi dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ce texte familier. Et nous prenons comme sujet un enfant prodigue. Il n'est pas dit d'un esclave prodigue. Un enfant, quelqu'un qui appartenait à un père, mais qui est perdu. En parlant de cette parabole, Jésus essayait d'exprimer les sentiments du Père aux perdus, aux égarés, aux étrangers quant à la vie de Dieu. Encore Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 12. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 au verset 12 à 13. Nous lisons encore ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et encore, nous lisons au chapitre 4 de l'Éphésiens aussi, au verset 18. Bien, nous commençons encore verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance de leur cœur. Certains s'étaient éloignés de Dieu et ils étaient étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Notre Dieu, par sa bonté, nous a envoyé la parole qui nous a ramenés. Ce n'est pas parce que nous le méritions, mais c'était par sa grâce. Ici, Paul a écrit à nos frères d'Éphésiens, leur disant de se souvenir de la chose. Et même nous aussi, nous devons nous souvenir que sans Jésus-Christ, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est lui par sa mort que nous avons été rapprochés et que nous sommes appelés enfants de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi, comme nous venons de le louer, c'est lui qui est digne de recevoir nos louanges, puisqu'il nous a ramenés à la vie, nous qui étions aussi perdus. Et encore, mes frères, quelque chose ne peut pas être appelé perdu et qu'elle se trouve quelque part en l'air seulement. Bien sûr, la chose doit se trouver quelque part. Quoi qu'elle soit perdue, elle doit se trouver quelque part. Et si l'on parle d'un enfant perdu ici, ce n'est pas qu'il soit en l'air. Il y a quelque chose qu'il a perdu, c'est le péché. Le péché perd les enfants de Dieu. Et cela les éloigne. Et c'est pour cela maintenant, en prenant cette parabole, parabole. Jésus-Christ, le grand enseignant, voulait exprimer à ses auditeurs de cette fois-là quel est le sentiment du Père. Qui est le Père ici? C'est notre Dieu. Et maintenant, en prenant aussi ce texte, nous allons voir quel est le sentiment de Dieu notre Père à notre instar. Dans sa prédication, le prophète dit, le moindre péché devait être confessé. Peu importe combien cela apparaît. Peu importe ce que c'est un péché aux yeux de Dieu. Tout péché nous éloigne de la face de notre Dieu. Et des fois cela peut former même un mur. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous voyons déjà en Éden, quand le premier péché fut commis là-bas, Adam, au lieu de chercher Dieu, de crier à toute tête, cherchant Dieu, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ayant péché, il est allé se cacher dans le bois. Et c'est toujours comme cela l'attitude des hommes aujourd'hui. Et une fois qu'ils pêchent, ils ne veulent pas revenir à Dieu par la voie de la repentance. Comme nous le voyons déjà en Genèse, c'est Dieu qui est descendu chercher Adam. Et quand il est descendu, il parcourait du regard le jardin d'Éden. Et il s'est mis à appeler alors qu'il était attristé. Car un message est arrivé au ciel disant, ton fils est tombé. Alors Dieu est descendu. Puisqu'Adam était fils de Dieu, il ne pouvait pas le laisser comme cela, quoi qu'il y avait une punition qui l'attendait. Mais il est descendu lui-même Dieu et il s'est mis à appeler alors qu'il était tellement attristé. Dans cette Bible, il n'y a pas d'aventure. Non, c'était très sérieux, puisque Dieu était tellement attristé puisque son enfant est tombé dans le péché. Étant donné que le salaire du péché, c'est la mort. Alors Dieu est descendu lui-même. Il s'est mis à appeler. Adam. Adamu. Adam. Adamu. Adam. Adamu. Où es-tu? Alors qu'Adam était caché là au milieu de bois. Et c'est toujours cela l'attitude des hommes aujourd'hui. Une fois qu'ils pêchent, au lieu de revenir à Dieu par la voie de la repentance, au lieu qu'il se présente à Dieu et qu'il se confesse, il va chercher à se cacher, se rétracter derrière quelque chose. Il va chercher à se former, à se créer une religion. Or, la religion faite de mes dons ne peut pas persister devant la présence, devant la justice de Dieu. Et c'est ce qu'Adam a fait à ce jour-là. Il s'est fait tout juste des ceintures qu'ils se sont revêtus pour cacher les rentes. Mais la chose n'était pas résistante. Quand Dieu est descendu, la chose n'avait plus de valeur. Et même maintenant, vous savez, mes frères, les gens se consolent. Une fois qu'ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, au lieu de revenir à Dieu par la voie de la repentance, ils vont se faire des religions, quelque chose pour couvrir leurs péchés. Mais maintenant, mes frères, il y en a qui peuvent choisir des religions là où ils peuvent vivre à l'aise. Ils peuvent boire, ils peuvent commettre l'adultère, ils peuvent faire n'importe quoi. Alors là, ils se trouvent à l'aise. Au lieu de revenir à Dieu et d'entendre la vraie parole qui puisse les sauver, mais les gens se rétractent et ils cherchent cherchent à l'endroit où ils peuvent vivre à l'aise. Comme aujourd'hui, il est dit encore, même les homosexuels sont des enfants de Dieu, des hommes qui ont des faiblesses. Au lieu d'entrer là où ils entendront la vraie parole de Dieu, ils choisiront d'aller en cet endroit où ils peuvent vivre en l'aise, même s'ils vivent dans le bourbier du péché. Et les gens refusent de se faire baptiser bibliquement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a, c'est là pour lesquels on asperge juste de l'eau sur leur tête. Un baptême honorable. Mais le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera plongé dans l'eau, c'est ce qu'a fait les premiers apôtres. Et ainsi de suite. Même aujourd'hui, Dieu veut que les gens soit baptisé bibliquement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a qui se font baptiser 7 fois dans des rivières de manière qu'ils veulent. Car il y a beaucoup de doctrines sur la terre. Laissez-moi vous dire, mes frères, vous découvrirez, mon cher ami, que les théories élaborées par les hommes ne subsisteront pas lorsqu'ils atteindront leur dernier souffle. C'est bien de vivre en se jouissant de ces choses qu'ils sont en train de faire, mais cela ne les amènera pas même à la mort, hein. C'est pourquoi dans Ecclésiaste nous lisons un peu vite dans Ecclésiaste chapitre 12, nous lisons ce qui suit. Nous lisons un seul verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les vrais enfants de Dieu, quand ils entendent ces choses, ils doivent normaliser leur vie. Car telle voie paraît bonne devant l'homme, mais son issue, c'est la perdition. C'est pourquoi, quand un homme est perdu devant Dieu, il va mener la vie selon la volonté de son cœur. Il fera tout ce que son cœur le pousse de faire. Mais lorsqu'il reconnaîtra qu'il est fils de Dieu, à coup sûr, il reviendra à Dieu. Comme nous venons de le dire, aujourd'hui les gens peuvent choisir n'importe quelle doctrine, mais à la fin de leur vie terrestre, ils vont découvrir qu'ils ont fait un mauvais choix. Ils donneront raison à Dieu. Ils donneront raison à la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous entendons la parole de Dieu qui nous appelle, comme la voix de Dieu a appelé Adam en ce jour-là, il n'est pas bon de continuer à nous cacher dans nos dénominations. Il est bon de répondre positivement à l'appel de Dieu et il sera prêt à nous pardonner. Comme nous venons de le dire, un jour, chacun reconnaîtra la voix qu'il avait choisie. Dans sa prédication, le frère Branham nous donne l'exemple de deux jeunes filles. Selon les choix qu'ils ont fait pendant qu'ils vivaient encore sur la terre. Une de ces jeunes filles était croyante au tabernacle. Elle a eu la grâce d'être baptisée du Saint-Esprit. Elle se revêtait décemment. Avec cette remarque, le prophète dit ceci au paragraphe 13 de notre prédication. Il dit ceci. Oui, c'est la vérité. Notre enseignement est contre cela. Contre quoi? Parce que la seconde fille dont je vais vous rappeler ici, elle s'est maquillée, elle s'est revêtée n'importe comment. Et maintenant, comme remarque, dans sa prédication, il a dit ceci. Oui, c'est la vérité. Notre enseignement est contre cela. Je suis sûr que, même notre chère ici est contre les femmes qui se maquillent. S'il y en a qui se maquillent, elles s'entêtent contre la doctrine de Dieu. Je continue la lecture. Que Dieu aide les prédicateurs à venir à l'évangile. Écoutez, dame, il n'y a eu qu'une seule femme dans la Bible qui se soit jamais maquillée pour rencontrer un homme. Et c'était Jézabel. Et Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Ainsi, lorsque vous les voyez porter cela, dites: bonjour, mademoiselle, viande pour chien. C'est exactement ce que c'était. Dieu l'a donné en pâture au chien. Vous n'aimeriez pas être comme elle. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons ces choses dans 2 Rois chapitre 9, verset 30-37. C'est là que nous allons rencontrer la conséquence que Jézabel a subie. Mais nous continuons, mes frères. Ici, c'est une remarque qui est donnée à nos sœurs ou aux femmes qui viennent à la parole de Dieu. Elles doivent éviter le maquillage. Même si vous cherchez l'essence de ces mots dans le dictionnaire, le maquillage, c'est quelque chose qu'on ajoute à son corps pour essayer de se rendre joli. Et encore, les maquillages servent à cacher certaines imperfections. C'est pour cela que les hommes qui convoitent beaucoup, des fois elles tombent même sur les femmes qui ne sont pas réellement belles à cause de leur maquillage seulement. Écoutez maintenant au point suivant. Dieu vous rendra joli à votre manière. Il s'adresse encore aux sœurs. Le Dieu d'Israël peut vous rendre joli à votre manière. Méfiez-vous des apparences. Même nos églises de la sainteté sont en train de se relâcher. Vous savez que c'est la vérité. Vous feriez mieux de revenir donc à la vieille ligne de démarcation. Retournez à l'évangile. Dieu, le Dieu d'Israël, rend joli de sa manière. Si nous retournons dans Esther, nous allons voir lorsque Vasti, qui était reine du temps du roi Assyrus, devait être remplacé. On avait enrôlé des belles filles dans plusieurs provinces. Alors c'était une compétition. On voulait en chercher une qui conviendrait au roi et qui deviendrait la reine au roi Assyrus. Alors, après les avoir recrutés, on les a mis à un endroit pour faire leurs toilettes pendant un moment déterminé. Et au jour où chacune d'elles devait apparaître devant le roi, c'était terrible. Hein? Quand nous lisons les Écritures, lisons un peu quelque part là-bas, nous allons revenir très vite. Nous lisons dans Esther. J'ai voulu tout simplement au chapitre 2, verset 13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Que Dieu vous bénisse. Et les filles mondaines, lorsqu'on les présentait des bijoux et toutes les choses attrayantes qui étaient là-bas, elles pouvaient les utiliser pour se rendre jolies afin d'attirer la vue du roi. Mais ce ne fut pas celles qui s'étaient maquillées qui furent choisies. Mais lorsque le tour d'Adassa vint, regardez, Dieu rend joli d'une autre manière. Et lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Egaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, mes frères, Esther n'a pas remporté parce qu'elle s'était parée de beaucoup de choses. Non, elle a porté un habillement normal, ordinaire, selon le conseil d'Egaï. Et même aujourd'hui, mes sœurs, Dieu vous rendra jolie de votre manière. Elle qui était simple a plu même à la vue de celle qui le regardait. Voyez-vous, lorsque nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 3, le prophète nous conseille, dit: méfiez-vous des apparences. Vous pouvez vous embellir n'importe comment. C'est une seule personne qui va t'envier. Celle qui voudra te prendre en mariage. Ce n'est pas devant tout le monde. Tu peux paraître belle, mais ce n'est pas tout le monde qui t'appréciera. C'est pourquoi ne souffrez pas, mes sœurs. Si votre temps arrive, vous seriez mariés. Vous serez fiancé, ne mettez rien. La mondanité a détruit vraiment le christianisme aujourd'hui. C'est pourquoi, comme nous prenons l'exemple d'Esther ici, elle était sortie là-bas, une femme ordinaire. Pendant qu'aujourd'hui, il y a de ces femmes du monde, lorsqu'elle se réveille, elle va chercher des collants, elle va chercher des modèles inconvenables. Elle le mettra tout un panier de choses sur sa tête. Elle va mettre des rouges baisés, des bleus, des jaunes, je ne sais moi. Mais laissez-moi vous dire que les choix des hommes, ce n'est pas à cause de toutes ces choses que vous allez mettre. Et encore un conseil chrétien, c'est celui que nous allons découvrir ici. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui aide nos sœurs à se comporter d'une manière chrétienne, une manière décente. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3, mais mon problème se trouve au verset 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté d'un esprit doux, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Vous pouvez vous habiller n'importe comment. Mais si on demandait à votre époux, pourra-t-il témoigner que tu es une femme soumise? Alors, au lieu de considérer tout simplement la parure extérieure, parez-vous des qualités intérieures. C'est ça la qualité qui est appréciable devant notre Dieu. Et c'est cela qui est d'un grand prix. En ce qui concerne la chevelure, le prophète a dit, nos sœurs peuvent arranger leurs cheveux de n'importe comment, mais ne pas ressembler au reste du monde. Si le monde va à gauche, vous allez à droite. Si le monde va en avant, vous reculez. Comme aujourd'hui, il est vraiment difficile de distinguer les femmes croyantes des incroyantes, mais néanmoins, le Dieu d'Israël a des témoins. Même si toutes les femmes du monde séparent, mais les filles de Dieu suivront la parole de Dieu et vont s'y conformer. Méfiez-vous des apparences. Que Dieu vous bénisse. Et notre fille ici, la seconde ici, puisque je vous ai parlé ici de la première, cette première fille que parle le prophète ici, c'était une fille qui se revêtait comme une chrétienne. Et même quelque part, le prophète dit, si vous voulez voir l'attitude de l'Église, regardez les sœurs. Quand on les regarde, on voit quelle est l'attitude, quelle est l'atmosphère de la chair ici. Car la chair, de la chair, c'est là que nous recevons la nourriture spirituelle qui nous aide à nous séparer de la mondanité. Et même aujourd'hui, on peut voir encore des jeunes frères qui portent des pantalons sous fesses. Tout cela pourquoi? C'est vraiment mondain. Laissez certaines choses au monde. Laissez ça aux jeunes gens pervers. Mais habillez-vous comme des enfants chrétiens. Rien qu'à vous voir, même si vous allez chez le frère pour vous fiancer, on vous voit là-bas en taille basse. Ce n'est pas une bonne chose. Un enfant de Dieu, un jeune homme, doit se porter comme un enfant qui a entendu la parole de Dieu. Méfiez-vous aussi des apparences. Et maintenant, cette deuxième fille, elle se revêtait n'importe comment. Elle allait aux soirées dansantes. Elle se déplaçait avec, elle se promenait avec des garçons. Et d'ailleurs, elle était monitrice de l'école de dimanche. Son pasteur lui a laissé entendre que le sang de Jésus-Christ est séché il y a 1900 ans. Et ainsi, elle s'est comportée de n'importe quelle manière. Voyez-vous, mes frères? Donc, la doctrine du sang a commencé il y a longtemps. Mais moi, votre frère, si j'ai trouvé la grâce de me trouver au devant de vous, c'est parce qu'il y a encore du sang sur le trône de la grâce. Puisqu'il n'y a que deux alliances, la première alliance, l'ancienne alliance, les hommes étaient sous le sang des bêtes. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle, nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Et maintenant je me demande, c'est là qui adore Branham comme Dieu, sont-ils sous quelle alliance? C'est là le problème. Vous êtes heureux, mes frères, vous qui avez accepté de rester dans la sainte doctrine, car vous êtes sous le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant cette fille, avec sa mauvaise conduite, elle est venue attraper la maladie vénérienne. Elle en est arrivée à l'article de la mort. Peu avant sa mort, comme elle agonisait, elle avait dit, appelez-moi la jeune fille là qui me parlait de mon âme. Oui, mes soeurs, parlez aussi des âmes de celles-là qui vous côtoient. Il faut que vous soyez juge. Dites-lui que lorsque vous vous comportez contrairement à la volonté de Dieu, les jours où vous allez quitter la terre, vous allez voir la réalité. C'est pourquoi cette fille, alors qu'elle était à la tuile de la mort, elle a demandé à ce qu'on lui appelle la fille là qui lui parlait de son âme. On n'a pas pu l'amener à temps et elle devait trépasser. Mais avant qu'elle ne meure, elle a dit, appelle-moi le pasteur. On lui en avait appelé. Et lorsque la personne est arrivée, écoutez la suite de la vie de cette fille ici. La fille populaire, vous, enfant de Dieu, ne cherchez pas à être populaire. Cherchez à être connu tout simplement par notre Dieu. Et maintenant, lorsque le pasteur est arrivé, et ce dernier est entré en courant, il a dit, eh bien, chérie, écoutez, il a dit, nous allons appeler le docteur pour vous donner une piqûre. Vous devenez un peu hystérique. Vous devenez un peu hystérique. Ok. Elle a dit, je ne suis pas hystérique. Elle a dit, toi séducteur d'hommes, je suis perdu et je m'en vais en enfer à cause de ce que tu m'as enseigné. Vous mes frères, mes sœurs, confiez-vous à vos conducteurs lorsqu'ils vous enseignent des choses qui vous feront arriver au ciel. Cramponnez-vous-y, car dans la parole de Dieu il y a la vie. Il y a des gens qui se réunissent quelque part où ils n'entendent que des contes. Mais si Dieu vous a donné des bons prédicateurs, confiez-vous à eux chaque fois qu'ils seront attachés à la sainte doctrine. Que Dieu vous bénisse. Je continue la lecture. Et elle a dit, et la jeune fille est morte. Et elle est allée à la rencontre de Dieu. Perdue. Réclamant en criant la fille qui essayait de lui dire ce qui était correct. Regardez frère. Lorsque vous arriverez à la fin du voyage de cette vie, vous souhaiteriez avoir vécu une vie pure et sainte. Lorsque vous serez en face de Dieu, soyez-en rassurés et souvenez-vous-en. Maintenant, quant à votre église dont vous êtes membre, elle ne représente rien devant Dieu. Il y en a qui se réjouissent puisqu'ils sont de ce tabernacle. Oui, c'est bien. Mais il faut que vous soyez dans celui-là. Puisqu'il y a encore un tabernacle invisible. C'est là où il y a les rassemblements de ceux-là qui sont scellés du Saint-Esprit. Car ce tabernacle restera. Mais ceux-là qui seront dans celui-là, eux iront dans la gloire. Ne vous contentez pas parce que vous êtes dans les tabernacles. Il s'agit de ce que vous êtes dans votre cœur. C'est vrai. Dieu ne vous demandera pas de quelle église vous étiez membre. Il s'agit de ce que vous êtes dans votre cœur. C'est ce que Dieu va considérer. Que Dieu vous bénisse. Et en parlant de cette parabole devant son auditoire, Jésus voulait leur dire que Dieu est en train de chercher les gens qui peuvent lui revenir par la voie de la repentance. Il voulait leur dire comment Dieu attire les gens de revenir à lui. Et quand même nous entendons cette prédication, le Saint-Esprit est en train de circuler ici au milieu de nous afin d'appeler les gens à la repentance. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, mes frères, là dans le jardin d'Éden, lorsque Adam se sont tenus et Ève se sont tenus en face de Dieu, ce sont des choses que nous lisons. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu qui les appelait, Ils sont sortis de là. Et quand ils sont venus en présence de Dieu, ils étaient là honteux. Adam a dit, Seigneur, je suis ici. Je me suis caché. Amen. Et même toi, mon frère, et vous, ma soeur, si vous réalisez que vous êtes perdu quelque part et que vous êtes caché, Dieu vous recevra encore. Regardez la chose qui est étonnante ici. Au lieu que Dieu se mette directement à le gronder, il leur avait confectionné quelque chose de consistant. Il leur avait cousu des robes faites de peau de mouton. Et cela, c'était quelque chose de bien qui pouvait un peu durer longtemps. Et même aujourd'hui, mes frères, si vous voulez garder l'honneur devant Dieu, acceptez notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous rendra un homme. Que Dieu vous bénisse. Et même mes frères, lorsqu'il leur avait revêtu ses peaux, cela faisait croire qu'il y a quelque chose d'innocent qui était tué quelque part. Dieu n'avait pas une boutique où il y avait des peaux. Il a dit tuer quelque chose. Il a tué un mouton. Et c'est de ce mouton qu'il a tiré la peau qu'il leur en avait revêtu. Et maintenant pour nous, à cause de notre péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus-Christ, notre Seigneur, est mort à notre place. Et c'est lui qui était juste, qui a pris notre place et nous a donné sa justice. Lorsque nous le croyons, nous sommes justifiés par sa mort. D'après le plan de Dieu, il n'y avait rien de valable là dans le ciel qui pouvait cacher notre honte devant Dieu. Ainsi, c'est par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons trouvé de la place dans la maison de Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui, mes frères. Chaque enfant de Dieu qui reconnaît qu'il était perdu, il doit lui retourner par la voie de la repentance et notre Seigneur le pardonnera. Maintenant, considérons cet enfant prodigue. Cet enfant prodigue, comme la Bible le dit, c'était un cadet. Le cadet est venu à son père pour demander sa part d'héritage. Or, l'héritage, on ne le demande pas. C'est quelque chose qui doit vous être donné par votre père. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant puisse s'hasarder d'en demander avant le temps? Il y a lieu que cet enfant se soit trouvé en compagnie des mauvais garçons. Or, dans la Bible, il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous trouvons ces choses dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est là qu'on peut lire ces choses-là. Et maintenant, mes frères, on y passe, puisque nous poursuivons un autre objectif ici. Cet enfant avait fait compagnie avec les gens qui n'étaient pas de bonnes mœurs. S'il y en a qui écrivent, vous pouvez écrire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Oui, bien sûr. Dans sa prédication ici, au paragraphe 22, il dit ceci. Je vous lis la portion. Pour essayer un peu d'avancer un peu vite. Il dit ceci. Paragraphe 22 dans ce brochure que nous avons. D. La partie D. Quelqu'un a dit, eh bien, je peux entrer dans un bar avec un gars. Je peux prendre un coca pendant qu'il prend la bière et le whisky. Puis en ressortir la même personne. J'en doute. C'est vrai. La Bible déclare, évitez toute espèce de mal. Ça, c'est la Bible. Si la Bible le dit, c'est le livre livre de la sagesse. Et même vous, mes soeurs, si votre mari vous disait, je n'aime pas que vous vous promeniez avec une telle femme, ne le faites pas. Peu importe votre jugement, lui a remarqué quelque chose d'inconvenable. C'est pourquoi ne vous entêtez pas. S'il l'a remarqué, soumettez-vous à cela et vous aurez la paix dans votre maison. Car la Bible dit, évitez toute espèce de mal. Je continue à vous lire encore ici. Étenez-vous loin du terrain de l'ennemi. L'ennemi a son terrain. Mes frères, vous avez longtemps travaillé et vous sortez maintenant, vous allez vers la maison. Si vous avez besoin de siroter un coca, pourquoi ne pas l'acheter quelque part dans des boutiques et en boire là à l'extérieur quelque part, au lieu de dire d'être en compagnie d'un soulard, quelqu'un avec qui vous travaillez. Il va vous attirer, vous dira: accompagne-moi, dit. Tu lui diras: moi je ne bois pas. Il vous dira: tu resteras tout simplement à côté de moi. Je vais t'acheter un coca. Ce n'est pas propre pour un enfant de Dieu. Amen. Et la Bible dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans en être convenues? C'est pourquoi le diable a son terrain. Le bar, ce n'est pas un milieu pour les croyants. Le milieu pour les croyants, c'est dans les tabernacles. Évitez toute espèce de mal. Et même dans 1 Thessaloniciens, nous pouvons lire au chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Au verset 22. Nous lisons ce qui suit. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça, c'est la parole à laquelle nous avons confiance. Les enfants de Dieu doivent faire leur effort pour s'abstenir de toute espèce de mal. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant encore, vous allez dire, et même rester tout simplement à ce côté-là. Oui, même David a chanté dans Psaume chapitre 1er. Ne restez pas dans un terrain miné. Il y a un terrain qui est propre pour un croyant et un terrain qui ne l'est pas. Si nous lisons dans Psaume chapitre 1er, nous sommes ici pour lire la parole de Dieu. Psaume chapitre 1er. Il est écrit ce qui suit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne se sied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Évitez toute espèce du mal. C'est la parole de Dieu. Et maintenant, il s'en va très loin, il nous dit, ne voyez pas à quel point vous rapprochez du péché, mais voyez combien vous pouvez vous en éloigner. C'est la bonne chose, mes frères. Si vous avez une prostituée qui veut vous côtoyer chaque fois et qu'on vous a fait la remarque, ne grondez pas, ne dites pas: frère, moi je suis spirituel, qu'est-ce que cette prostituée peut me faire? Mais ce n'est pas bon avoir. Un enfant de Dieu doit éviter toute espèce de mal. J'ai rencontré un jeune frère qui aimait les choses de Dieu. Lui était un motard. Maintenant, avec sa moto, il arrivait souvent qu'il devait transporter les femmes qui achetaient des marchandises à revendre quelque part. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il avait constaté? Elle venait, elle venait lier de gros colis derrière la moto. Que cela prenait toute la place sur la selle de la moto. Et maintenant, quand il devait s'asseoir, c'est tout juste se poser sur le dos du frère. Tous les seins sur le dos du frère. Le premier jour, il a essayé de rouler, il a dit, est-ce que c'est comme ça? Déjà la conscience lui reprochait. Deuxième fois, comme cela. Troisième fois, il est allé remettre la moto à son père. Il a dit, papa, cette moto veut me perdre. Le corps de la femme, on ne doit pas s'habituer à rester corps à corps avec une femme qui n'est pas la sienne. Je connais encore un frère, il peut être ici. Et j'en connais encore un autre. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Là, à leur travail, ils avaient des européennes. Quelle est la culture des européennes? On peut s'embrasser avec n'importe qui et se baiser avec n'importe qui. Alors, quand cette femme étrangère voulait baiser ses frères, ce frère a dit distance, distance. Et la jeune étrangère disait, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, je suis chrétien. Tu es chrétien? Oui, elle l'a forcé de l'embrasser. Le frère a résisté. Un enfant de Dieu doit éviter toute espèce du mal. Et maintenant, frère, rentrons à cet enfant perdu. Après qu'il ait eu son héritage, il est parti très loin. Comme la Bible le dit ici, là où il est parti, avant qu'il ne soit parti plus tôt, puisque le prophète a prêché cela sous forme d'une scène. Il dit ceci, il y a lieu que cet enfant pouvait baiser, que la maman pouvait baiser son enfant pour essayer un peu d'adoucir son sentiment, mais cet enfant ne voulait même pas le baiser. Et vous voyez, comme il est écrit, qu'au dernier jour, les hommes seront sans affection naturelle. Et c'est ce qui a poussé le prophète de nous parler encore d'une autre jeune fille. Qui avait une jeune fille, qui avait une maman. Sa maman n'avait pas de moyens. Alors, elle devait faire la lessive sur les planches pour la scolariser. Elle est parvenue à la maison. Très loin. Sa fille est arrivée jusqu'à l'université. Une fois que cette fille voulait rentrer en vacances maintenant, elle était dans le train avec sa camarade. Quand on revenait, à peine venait-elle d'arriver dans la gare, on aperçut une femme qui était là devant. C'était la maman à cette fille-là. L'autre fille là l'a vue en premier moment. Comme le train allait ralentir. Et cette fille dit à sa copine, une vieille peau. Elle est vraiment répugnante. On n'accepterait même pas de se mettre à table avec elle. Cette fille dont appartenait la mère observa là, elle vit que c'était sa propre maman. Au lieu de la défendre, elle se tue tout simplement. Et ce n'était pas tout. À la sortie de la voiture, sa maman l'aperçut et elle vint pour l'embrasser. Lorsqu'elle le couvrit de ses mains, cette femme-là la repoussa et dit, non maman. Et sa maman lui dit, qu'y a-t-il chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Et cette fille-là était vraiment très froide devant sa maman, puisque sa maman était balafrée. Elle avait une grande cicatrice sur la face. Alikuwa na cicatrice munene mbele ya uso yake. Et sa maman là-bas était restée honteuse de vraiment humiliée. Na pale mama yake akapatishwa haya akafezereshwa. Oh, les masonistes qui connaissaient l'histoire. Ule anaanza kuongoza trend. Okay. Na aliwaka ile mambo. Intervient au même instant. Pale pale na akakinga. Et il vient s'interposer. Na akaingia mule mambo. Il dit. Akasema. Toi fille. Wewe mtoto mwanamke. Qu'est-ce que tu fais? Ni nini unafanya? Tu as oublié l'histoire. Unasawa habari. Et il dit, Nakasem, tu étais encore une gosse. Tu étais un enfant là dans l'étage. Ta maman était en train d'étaler les habits derrière. Et la maison avait plus feu. Les pompiers sont venus pour essayer d'éteindre le feu. Pendant que tu criais là, personne ne s'est donné la peine d'entrer là-dedans. Cette maman que tu vois ici. D'ailleurs, tu ne seras pas belle comme elle l'était. Elle a pris le courage. Elle a fermé sa et s'est enroulée dans les habits. Elle a traversé les flammes jusqu'à t'atteindre alors que tu criais là au fond de l'étage. Et en revenant, elle t'avait couverte entièrement des habits et de ses bras. À la sortie, elle fut brûlée. C'est ainsi que tu la vois aujourd'hui. Elle est devenue très laide. C'est à cause de toi. Et maintenant, tu commences à avoir honte d'elle. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, avec ça, qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Le prophète, lorsqu'il a entendu cette histoire, il dit ceci au paragraphe, il dit ceci au paragraphe 30. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Quand nous étions des pécheurs, les devant Dieu, rejeté, renvoyé. Il est venu, lui, l'aimable Fils de Dieu, de la gloire, et il est descendu sur la terre, il a porté l'opprobre et le péché sur lui, et il est mort au calvaire en poussant des cris. Oh mes frères et mes sœurs, ce n'était pas facile. Notre Seigneur, lorsqu'il nous a délivrés de la puissance du diable, il était là entre ciel et terre. Lui seul voyait un peu mes frères. On l'a arrêté le soir, alors qu'il était là à la Gethsemane avec ses disciples, sans manger. On l'arrêta. On ne lui a même pas laissé du temps pour se reposer. Toute la nuit, il n'a même pas pu dormir. Tantôt on l'amène chez Anne, tantôt on l'amène chez Caïphe, tantôt chez Pilate. Tout, il a fait la nuit blanche. Et maintenant, en plein jour, on s'est saisi de lui, on a enlevé sa robe, on l'a flagellé, on tirait, on a flagellé, on tirait. Il était alors ensanglanté. Tout son corps était ensanglanté. Et le prophète dit, quand il remontait le calvaire, il laissait des empreintes ensanglantées pendant qu'il marchait. Alors qu'il portait un bois lourd. Tout ça, c'est pour nous sauver qu'il a subi toute cette souffrance. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont honte de croire en ce Jésus qui a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Et il dit là en bas, devrais-je avoir honte de son évangile? Les chrétiens ont honte dans la rue de défendre l'évangile. Mais il a été défiguré et rendu laid afin que vous soyez libres. Il a été défiguré par le péché afin que vous soyez libres du péché. Ne le reniez jamais. Que Dieu vous bénisse. En ce jour-là, c'était terrible, mes frères. On pouvait bander ses yeux. Et on venait là. On donnait des soufflets. On a donné des soufflets. On l'a défiguré. Et on a enlevé les mouchoirs. Et on disait, prophétise. Qui t'a frappé? Il était là. Comme un agneau. À cause de qui? C'était à cause de toi et à cause de moi. Ne le refusons pas. Pourquoi il a subi cette peine? C'était pour que nous soyons sauvés. Puisque nous étions perdus. Et la peine exigeait la mort. Que Dieu vous bénisse. Rencontrons maintenant ce jeune enfant. Lorsqu'il est allé très loin, et quand il avait encore de l'argent, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il s'est fait ami de grandes personnes. Et le prophète dit, aussi longtemps que vous avez de l'argent, des hommes viendront pour manger de votre argent. Vous pouvez chercher n'importe quel genre de femme ou quel genre de fille, elles accepteront. Mais attendez seulement, quand l'argent sera terminé, tout le monde va fuir. C'est ce que fait le diable. Mais mes frères, ce n'est pas comme cela, comme Jésus. Jésus nous a aimés. Pendant que nous n'avions même pas de l'argent, il est le seul ami qui vient à nous sans vouloir tirer un intérêt en nous à cause de son amour. Et quel amour? Un amour pur. Et c'est ce genre d'amour que nous devons avoir aussi les uns envers les autres. Un amour pur. Et quand cet enfant est parti, tout l'argent c'était terminé. Maintenant, il chercha où est-ce qu'il devait avoir du boulot. Mais écoutez, mes frères, avant que nous n'en arrivions à cela, le prophète a écrit quelque chose que je voudrais vous relire ici. Il dit ceci. Sa maman devait s'agenouiller et prier. Elle pouvait dire, oh Seigneur, protège mon jeune enfant. Je ne sais pas ce qui lui est advenu. Et ainsi de suite. Vous savez, mes frères, je vais vous lire au paragraphe 30. Non, au paragraphe 32. Je lis ceci. Paragraphe 2. B, il dit ceci. Oh, je peux l'avoir crié à Dieu. Oh Dieu, prends soin de mon fils. Peu importe ce que vous faites donc, son cœur est toujours prêt à pardonner, à revenir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par ceci? Vous, nos mamans, quand les enfants font quelque chose de très mal et qu'ils s'en vont très loin, s'il revenait avec ses cœurs maternels, les mères ont toujours été prêtes à pardonner et à redevenir encore malgré la décision qu'on avait prise. Si une mère peut faire cela, à combien plus forte raison notre Dieu qui est au ciel? Pendant que le prophète dit encore ici en bas, au paragraphe 33, j'avance un peu vite pour acheter du temps. Paragraphe 33b. Je lis la partie intérieure là. Il dit ici, eh bien, je suis moi-même un père et j'ai un petit garçon assis là en train de me suivre maintenant même. Dieu sait que je l'aime. Mon désir cet après-midi, que je meure 2000 fois et que lui une seule fois. Je pense que vous avez entendu cette diction. Le souhait de Branham ici, il ne voulait pas que son enfant souffre. Il voulait dire que toute la souffrance qui peut atteindre mon fils, que cela m'arrive moi le père. C'est pourquoi il dit que je meurs 2000 fois et que lui une seule fois. C'est vrai que lui reste l'amour que nous avons pour notre progéniture. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde monde, sa progéniture, qu'il est venu lui-même mourir afin que nous soyons libres. Il a lui-même enduré le châtiment. Que Dieu vous bénisse. Quand je lis ce paragraphe, cela m'a renvoyé dans l'Ancien Testament. Cela m'a fait me souvenir de l'histoire de David. Et avant d'arriver là-bas, lisons un peu dans Proverbes chapitre 17. Nous lisons ceci au verset 21. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. Le père d'un fou ne peut pas se réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. La sagesse est en face de l'homme intelligent, mais les yeux de l'insensé sont à l'extrême de la terre. Un fils insensé fait le chagrin de son père. Un fils et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Oui, mes frères et mes sœurs, quand vous avez un enfant qui est insensé, cela vous chagrine beaucoup. Or, comme le dit la Bible, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Autrement dit, celui qui ne craint pas l'Éternel, c'est une personne insensée. Et ici, mes frères, comme ce que nous avons dit ici, comme Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas regardé tous nos nombreux péchés. Il est venu lui-même, lorsqu'il a porté la chair d'un homme, pour supporter lui-même le châtiment. C'est nous qui devions passer par ce châtiment, mais lui a dû souffrir à notre place. Regardez quelque chose qui va encore nous rapprocher du sens de ce que nous avons lu ici. Le sentiment paternel. Un jour, vous pouvez trouver ce que je vais dire dans 2 Samuel. Hein? Ok. Je vais donner le verset après. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a une fois, David avait beaucoup de fils. Un de ses fils, appelé Absalom, l'a fait un coup d'état. C'est l'histoire que nous connaissons. Dans 2 Samuel chapitre 18, verset 32 à 33. Mais avançons, puisque le temps a vraiment pressé. Vous allez laisser là à la maison. Il est arrivé qu'Absalom a fait un coup d'état à David. David a fui. Il y avait des personnes qui sont allées avec lui. David a quitté la capitale. Il a quitté Sion. Il est allé en dehors, fuyant la mort. Qui lui a fait le coup d'état? Son propre fils. Son propre sang. Alors il a fui. Lorsqu'ils sont allés loin de la ville, ils sont allés se réfugier dans une petite ville ailleurs là-bas. Et son armée s'est réorganisée. Quand il s'était réorganisé, prêt pour la bataille, écoutez mes frères, David, pour qui on allait combattre, est venu devant l'armée et il a dit à leur commandant, doucement avec le petit Absalom. Autrement dit, si vous rencontrez Absalom, si vous l'attrapez, ne le tuez pas. C'était vraiment un homme différent de tout autre homme. Le président d'aujourd'hui ne supporterait pas à ce que son enfant lui fasse un coup d'état. Oui, vraiment. L'ancienne alliance, c'est l'équipe de la nouvelle alliance. Et que David était l'équipe de Christ. Écoutez mes frères, ce sont des choses que vous entendez chaque jour. L'armée de David est allée rencontrer celle d'Absalom. La guerre fut vraiment chaude. Et Absalom perdit la victoire. Et l'armée avait commencé à fuir en débandade. Absalom s'est mis à fuir tout seul. Comme il fuyait, il était monté sur une bête, peut-être sur une âne. Comme il allait au devant, il y avait des térébintes dont le branchage était entrelacé. Il voulait s'incliner et passer avec sa bête là en dessous. Quand il devait passer en dessous des térébintes, sa longue chevelure s'accrocha au branchage. Et la bête sortit de ses jambes. Il se trouva là-bas en train de se balancer entre ciel et terre. Il n'y avait personne pour l'aider. Il n'attendait que la mort. Or, un soldat de David passa par là. Il lui le vit. Au lieu d'agir, il a dit non. David a dit doucement avec Absalom. Maintenant, lorsque la guerre prit fin, Joab a rassemblé l'armée. Tout le monde est venu là. Il s'était enquis auprès d'eux pour savoir si quelqu'un avait vu où était Absalom. Et l'un lui dit, j'ai vu Absalom là-bas. Il était suspendu au térébinthe. Il lui a demandé, l'as-tu tué? Il a dit non. Et Joab dit, si tu l'avais tué, je t'aurais donné beaucoup d'argent et une ceinture. Mais il demanda, indique-moi à l'endroit où il était. Joab a pris 3 javelots, 3 lances, et quelques jeunes gens le suivirent. Il est arrivé à l'endroit où était Absalom. Il l'a trouvé encore là-bas plein de vie. Alors il a pris ces 3 lances et il a percé le cœur d'Absalom. Il a dit, meurs, méchant homme. Et d'autres soldats ont abattu Absalom, on l'a redescendu. On l'a traîné déjà mort, on l'a enfoui dans un long trou, on enferma de grosses pierres au-dessus de l'entrée de ce trou-là, et on prit encore des épines qu'on déposa à l'endroit. Ainsi Absalom fut tué de cette manière. Un messager qui courait pour aller donner la nouvelle, il arriva et en présence du roi David, il lui demanda, comment va mon petit? Au lieu de lui parler de sa mort, il échappa. Le second qui vint, il lui dit la vérité. Mes frères, les choses changèrent. La victoire s'est changée en deuil. Pourquoi? Parce que Absalom était l'enfant à David. Alors il se tourna et commença à gravir les marches pour aller là à l'état supérieur en criant, Absalom, Absalom mon fils, Absalom, Absalom mon fils, que ne suis-je pas mort à ta place? Voyez-vous mes frères, un fils qui lui a fait un coup d'état maintenant vient de mourir. Au lieu de se réjouir, le père ne fut pas content. Pourquoi? Parce qu'il était son propre fils. Le sentiment du père. Même notre Seigneur Jésus, quand il nous a vu mourir dans le péché, il ne pouvait pas supporter. Il est descendu pour venir à notre recherche. Maintenant, retrouvons l'enfant perdu avant de terminer. Là où était l'enfant perdu, il se trouva dans le besoin. Regardez mes frères, pour un juif, toucher tout simplement un porc, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Mais maintenant, il a été délogé de la maison paternelle vers la porcherie. Le péché déménage les gens. Le péché humilie les gens. Vous pouvez rencontrer un homme respectable. Il va laisser sa voiture et il va entrer dans un petit sentier, dans même en brousse, où il va rencontrer une femme qui ne peut même pas se comparer à la sienne. Et il va coucher sur l'herbe comme ça. Le péché, ça déshonore les gens. Le péché, ça humilie les gens. Vous allez rencontrer une jeune fille qui est gardée dans la maison paternelle, là où elle ne manque rien. Vous allez la trouver dans des bâches là, à la carrière, laissant un bon endroit pour aller dormir là, dans un lieu désagréable. Pourquoi? Ce n'est pas par son propre gré, c'est à cause du péché. Le péché déménage les gens. Même s'il pleut là et qu'on l'a rencontré, sous cette bâche et qu'on lui disait: c'est toi Clémentine qui est ici? Elle va dire: si mon yache, dans le péché. Le péché humilie les gens. Mais maintenant, mes frères, alors que ses parents pensaient à leur enfant perdu, laisse-moi vous dire quelque chose. Quand il avait quitté la maison, le père a vu la direction qu'il avait prise. Et même aujourd'hui, Dieu notre Père connaît la direction que tu as prise. Si tu es parti vers l'adultère, Dieu notre Père te voit. Si tu es logé quelque part dans la boisson, Dieu notre Père te voit. Il est un Dieu qui voit tout. On pouvait voir ses parents revenir à l'endroit où l'enfant l'a quitté et prendre une autre direction par laquelle il s'est trouvé perdu. Dieu connaît nos voies. C'est pourquoi inutile de continuer à nous cacher. Il nous aime tellement qu'il nous peut nous reprendre si nous rentrions en lui. Et pendant que l'enfant était là, comme la Bible le dit, il avait commencé à envier à manger les carouges que mangeaient les porcs. Une mauvaise chose. Dieu, son père était là à la maison, où les mercenaires mangeaient des belles choses. Mais lui s'est mis à souffrir. Et le prophète dit: peut-être que pendant qu'il était là, ses parents s'étaient agenouillés pour prier pour leurs enfants. Oui, mes frères, mes sœurs, si vous avez un enfant qui est perdu, un enfant qui a quitté le toit paternel, la solution, c'est de se mettre à genoux. Il y a la solution à genoux. Lorsque nous montons au calvaire avec le dossier de nos enfants pervers, même nos filles qui nous ont quittés, la solution est toujours là. Nous avons cru à un Dieu qui a la solution à chaque problème. Si nous nous agenouillons avec sincérité du cœur, à coup sûr Dieu retournera nos filles qui se sont évadées de nos maison. Il est le même Dieu. Si vous le croyez avec sincérité, il le fera. Alors ses parents pouvaient se mettre à genoux et prier pour leur enfant. Oh Dieu d'Israël, souviens-toi de notre enfant. Nous ne savons pas en quelles conditions il est, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il dort. Dans sa prédication, le frère Branham dit: peut-être pendant que les parents priaient encore, l'ange de Dieu a pris leur prière. Et il a amené cela devant l'enfant. Pendant que l'enfant était là-bas incliné, se demandant pourquoi il est là en train de souffrir. Alors l'ange de Dieu commençait à parler à son âme: tu souffres inutilement ici. Il y a beaucoup de choses chez nous, chez toi. D'ailleurs, si tu rentrais, tes parents te recevront. Alors quand l'enfant s'est incliné, la Bible dit: étant rentré en lui-même. Voilà la meilleure chose que nous pouvons faire maintenant, mes frères et mes sœurs. Si vous trouvez que vous reconnaissez que vous êtes perdu quelque part, rentrez en vous-même. Commencez à faire l'introspection. Que Dieu t'aide à te retrouver. Qu'est-ce qui fait que maintenant la parole de Dieu commence à te condamner? Qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu? Reviens et Dieu te recevra encore. Et nous voyons la bonne décision qu'il a prise encore. La Bible dit, il s'est dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mon frère, ma soeur, qui reconnaît que Dieu est votre Père, maintenant même, quand tu es assis là, sache que Dieu te cherche maintenant. Maintenant même, peu importe la condition des choses que vous avez faites, peu importe loin que vous êtes perdu, Dieu est là qui vous tend ses mains. Jésus vous dit, revenez à moi et je vous recevrai. Quand vous entendez cette prédication, que le Saint-Esprit fasse le travail dans ton cœur et qu'il te fasse prendre la bonne décision, la meilleure des décisions qu'un homme peut prendre. La meilleure des décisions qu'un homme peut prendre, c'est celle de retourner à Dieu par la voie de la repentance. Et enfin, nous voyons cet enfant qui a pris sa décision, qui s'est mis à retourner à la maison. On pouvait les voir entrer au début de la cité de Kambov. Avec cette condamnation, il ne pouvait pas entrer tête haute comme ça. Peut-être il entrerait dans la cité de Kambov tête baissée. Et tout le monde qui le voyait pouvait dire, tiens, c'est Kasongo. Venez voir. C'est Kasongo qui vient de rentrer. Oh, cet enfant, il est parti en veste, mais le voilà qui rentre en haillon. Voyez-vous, et même s'il pouvait entendre cela, ça ne lui disait plus rien. Il a dit, peu importe ce que vous allez dire de moi, aujourd'hui, j'ai pris la décision de rentrer chez mon Père. C'est la meilleure des décisions qu'on peut prendre, mes frères. On pouvait les voir rentrer, et quand nous lisons dans les Écritures, là au verset 20, dans Luc 15, verset 20, il est écrit, il s'éleva et alla vers son père. Écoutez maintenant la chose. Comme il était encore au loin, que Dieu vous bénisse. Dieu notre Père nous a vus pendant que nous étions encore au loin dans les bourbiers du péché. Nous ressentions que nous avions un Père quelque part. Nous ne devions pas vivre comme cela. Mais Dieu nous a vus et il connaissait que nous reviendrions. C'est pourquoi quiconque entend qu'il résolve de revenir à Jésus, il est le Seigneur qui pardonne. Et on peut le voir. Rentrons maintenant en Genèse, comme nous venons de le lire ici. Ce n'est pas Adam qui a appelé Dieu, c'est Dieu qui est venu chercher Adam. Et maintenant, dans sa parabole, les sentiments paternels, ce n'est pas l'enfant, lorsqu'il a vu son père descendre, qui a couru. Mais c'est le Père. Le Père, avec son sentiment paternel, il était très content de revoir son enfant qui s'était égaré, qui rentrait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous, mes frères, quand vous êtes en sueur, quel est l'endroit qui sent beaucoup? Si ce n'est pas les coups. Et maintenant son père est venu, il l'a embrassé et il l'a baisé. En quel endroit? En l'endroit où il y a beaucoup d'odeur. Et même le Dieu d'Israël, son sentiment, quand un pécheur vient à lui, il ne le repousse pas, il le reçoit. Car dans cette Bible il est écrit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Ainsi nous voyons le père qui embrasse son fils. fils, non plus en colère, maintenant dans la joie, il l'a embrassé. Alors que l'enfant disait, Père, je suis indigne, ne m'appelez même pas fils. Non, mes frères, aussi loin que vous allez, vous êtes toujours fils à Dieu. Le problème qu'il y a, c'est parce que tu t'es égaré. Tu es toujours le sang de cet homme-là. Aussi loin que vous êtes allé, ma soeur, Dieu votre Père vous a connu dès avant la fondation du monde. Et votre nom était écrit dans le livre de vie. Peu importe le lointain où vous êtes égaré, il vous aimera. Quand vous arrivez à lui, il va vous recevoir. Le sentiment paternel. Quand il l'avait embrassé, tout ce que l'enfant disait sous forme de repentance, c'était des paroles qui ne disaient rien à son père. Quand même, ils entendaient la repentance de l'enfant. Mais puisque la joie était grande, il ne pouvait pas tenir compte de tout ce que l'enfant disait. Il n'a rien répondu. Même si vous lisez ici, il n'a pas dit, je ne vous appellerai pas ceci et cela. Quelle était sa réponse? Lui a regardé cela qui était libre. Amenez-moi vite une robe. Le Dieu d'Israël, s'il y a un Dieu bon, c'est le Dieu d'Israël. Et le Père dit, donnez-moi une robe. Il devait encore les revêtir. Comme Dieu a revêtu Adam, dans sa parabole, le Père, la première chose, a revêtu son fils. Tout enfant qui vient à Dieu, Dieu va lui faire faire maintenant des œuvres de la justice. Et c'est là le vêtement qui est vraiment très résistant devant la conjoncture du moment. Tout celui qui vient à Dieu, il sera reçu dans la joie. Et avant de terminer, je vais vous dire ceci. Même si les hommes mortels ne fêtent pas lorsque tu rentres à Dieu, que Dieu vous bénisse. Selon sa parabole, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Comme vous voyez le parent ici dans la parabole qui s'est réjoui alors que son fils est rentré dans le bercail, pour celui qui rentre à Dieu, ce ne sont pas les hommes qui peuvent fêter, même s'ils seront dans la joie. Écoutez mes frères et mes sœurs, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul homme, pas 20 hommes, lorsque toi seul tu te répands, il y a une fête dans le ciel. Et nous ne savons pas de quoi est constituée cette fête. Mange-t-il au ciel? Je n'en sais rien, la Bible n'en avait pas dit. Mais il y a une grande joie. S'il y a quelqu'un au milieu de vous, s'il y a une sœur au milieu de vous qui réalise que je suis fille de Dieu, mais j'ai perdu ma position filiale, votre Père, le Seigneur Jésus vous tend ses mains et il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai le repos. Si vous revenez aujourd'hui, fils et fille de Dieu, le Dieu d'Israël ne vous chassera pas, il vous recevra le sentiment paternel. Ne fuyez pas loin de Dieu. Peu importe le degré de ton péché, Dieu continue à t'aimer. Ma soeur, si tu veux prendre la décision de te faire baptiser aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus Christ, n'ayez pas honte de lui. Ne regarde pas tout ce que tu as fait. Dieu le sait. Et la chose qu'il te propose maintenant est que tu reviennes à lui pour que tu aies la vie éternelle. Le sentiment paternel. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas regardé tout ce que j'ai fait. Il m'a ramassé dans les boubiers de péché. Il m'a lavé par sa parole. Et il fait de moi un fils. Il veut faire de toi aussi un fils. Il veut faire de toi, ma soeur, la fille de Dieu. Vous pouvez être fils d'un roi ou d'un riche, mais être un enfant de Dieu, ça c'est super. Enfant de Dieu, reconnais-tu les choses en toi? Si tu t'es égaré à toi, notre Dieu vous tend la main. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au président d'Ikiti.